بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام فمعنا اليوم باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر. Aujourd'hui on va voir inshallah ta'ala le chapitre concernant les mérites du suhoor, le repas, juste avant l'aube. Et le fait de retarder celui-ci, le fait de retarder ce repas, tant qu'on ne craint pas l'arrivée du fajr. فذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث. L'auteur, رحمه الله, il a cité dans ce chapitre quatre hadiths. ونحن سنقرأها ونعلق عليها تعليقاً يسيراً إن شاء الله تعالى. Et donc nous on va lire ces hadiths et on va donc commenter ces quelques hadiths de façon simple بإذن الله تعالى. Et donc il nous dit l'auteur رحمه الله. Ou alors avant même d'aborder le premier hadith, on va parler un peu du suhur. Qu'est-ce que السحور؟ أولاً ينبغي لنا أن نفرق بين السحور والسحور. Premièrement, il est important qu'on fasse la distinction entre le mot السحور et السحور. السحور ou السحور. السحور, عفواً, هو الأكل الذي يتسحر به. السحور, avec une fatha, السحور, c'est le repas qu'on va utiliser, qu'on va prendre justement en fin de nuit. C'est le repas qu'on prend en fin de nuit avant l'aube. Ce repas, on l'appelle As-Sahour. As-Sahour, avec une domme sur le signe, As-Sahour, ou Al-Fi'al, c'est l'action, c'est le fait de prendre ce repas. Et donc l'auteur, Rahimahullah, il nous cite عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. Selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit prenez le suhur, prenez le repas du suhur. تسحروا, donc le verbe ici qui signifie donc prenez le repas du sahur. Car certes, il y a dans le suhoor une bénédiction. Il y a dans le fait de prendre ce repas de fin de nuit une bénédiction. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. في هذا الحديث أيها الإخوة استحباب السحور. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est recommandé de prendre ce repas du suhoor ou donc as-sahur comme on a dit précédemment. والبركة هي الزيادة من الخير. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est l'accroissement du bien. Le bien qui va accroître. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. ومن بركة السحور امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كله خير. Parmi donc la bénédiction du suhoor, il y a le fait d'obéir à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'y a que du bien dans les ordres et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك من بركة السحور أنه معونة على الصيام. Et aussi, donc, parmi les éléments qui montrent la bénédiction du suhoor, il y a le fait que celui-ci va aider à accomplir le siyam, va aider à accomplir le jeûne. Le fait que tu prennes ce repas en fin de nuit, tu prends donc de quoi avoir des forces pour tenir ta journée. Bien entendu, ça c'est en mangeant correctement. Attention, hein. Pour certains qui aiment manger des bonbons, etc., c'est pas ça qui va t'aider à jeûner. Il faut qu'on fasse attention donc à ce qu'on mange aussi, pour nous préparer pour cet acte d'adoration. ومن بركة السحور الحصول على فضل آخر الليل لأن من استيقظ للسحور يستطيع أن يدعو ربه قبل سحوره. Et aussi parmi les éléments qui montre que la bénédiction du suhoor, il y a donc le fait que l'individu va profiter des mérites de la fin de la nuit. Car l'individu qui se réveille pour le suhoor, pour ce repas du suhoor, il va pouvoir bénéficier du fait d'invoquer son Seigneur en fin de nuit avant le suhoor. Et oui, ce moment si important, Allah tabaraka wa ta'ala qui descend au ciel le plus bas, qui demande « Man yad'uni fa astajib la » qui m'invoque afin que je lui exauce. « Man yas'aluni fa u'tiyah » qui me demande afin que je lui donne. « Man yastaghfiruni fa aghfir la » qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. « Wa fi hadha ayyuha al-ikhwa linata'ammal » Il y a en cela un point sur lequel nous devons méditer. « Anna al-mar' » L'individu médite sur ses actes durant toute l'année. Certaines personnes, il leur est difficile de se lever en fin de nuit. Ils n'arrivent pas. Ils essaient, ils n'arrivent pas. Lorsque Ramadan arrive, malgré le fait qu'il s'est couché tard parce qu'il a prié, il a fait tarawih, ensuite il a mangé, etc. Il s'est couché tard, peut-être plus tard que d'habitude. Mais il arrive à se réveiller tôt. Pourquoi ? As-suhur. Il veut ce repas. Et donc, il faut qu'on médite sur ça, oh cher frère. Le fait qu'on arrive à se réveiller tôt pour manger, pour remplir notre ventre, mais qu'on n'arrive pas à se réveiller tôt, pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut qu'on corrige ce problème. On s'efforce pendant toute l'année pour corriger ce problème. On profite du mois de Ramadan pour corriger les défauts que nous avons, incha'Allah ta'ala, et pour continuer comme ça pendant toute l'année. Incha'Allah, tu vas réussir pendant toute l'année à te réveiller avant le fajr pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, et tu ne vas pas le faire que pendant Ramadan pour manger. ومن بركة السحور إدراك الفجر في الجماعة لأن من أدرك السحور يستبعد أنه لا يدرك الفجر في الجماعة. Et aussi parmi les bénédictions de as-suhur, il y a le fait de pouvoir atteindre la prière en groupe à la mosquée, de pouvoir accomplir la prière en groupe à la mosquée, parce que celui qui va se réveiller et qui va réussir à prendre le repas du suhoor, en réalité, on a du mal à penser qu'il n'arrive pas à atteindre la prière, qu'il n'arrive pas à accomplir la prière en groupe à la mosquée. Sauf parfois pour certaines personnes qui sont, on va dire, qui habitent loin de la mosquée, ou alors le fait qu'il y ait le couvre-feu ou d'autres situations de ce genre. Mais sinon, pour celui qui est dans de bonnes conditions, proche de la mosquée, etc., le fait qu'il prenne le suhoor, en général, cela lui permet aussi donc d'arriver à la mosquée à l'heure pour accomplir la prière du Fajr. طيب. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit « وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه. Selon زيد بن ثابت رضي الله عنه qui dit: nous avons pris le suhoor avec le messager d'Allah sallallahu. Nous avons pris le sahur avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous nous sommes levés pour accomplir la prière. Il fut dit combien de temps il y avait entre les deux actes, entre la prière et le sahur. Il a dit le temps de lire 50 versets. Muttafaqun alayhi. Fi hadha al-hadith ayyuha al-ahibba, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. Il y a dans ce hadith le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم il retardait l'accomplissement du suhoor. Eh oui, il ne le faisait pas en milieu de nuit, mais vraiment en fin de nuit, le prophète صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله 50 آية من 10 دقائق إلى ربع ساعة إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة أو دون ذلك وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور تأخيرا بالغا. انتهى. Le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il dit 50 versets. Cela prend entre 10 minutes et un quart d'heure. 50 versets, cela prend entre 10 minutes et un quart d'heure lorsque la personne va lire avec une bonne lecture attentionnée, en faisant attention à prononcer correctement les lettres, etc. Ou alors un peu moins que cela. Et cela nous montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il retardait beaucoup l'accomplissement du suhoor. Il le retardait beaucoup, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit « وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانْ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٌ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا متفق عليه. سلم عمر رضي الله عنهما qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait deux mu'adhin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait deux mu'adhin. Bilal ainsi que Ibn Ummi Maktoum. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Bilal fait le adhan durant la nuit. Donc le premier adhan. Certes Bilal fait le adhan durant la nuit. Alors mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le adhan. Ça, c'est le adhan du Fajr. Et donc Bilal, le adhan avant le Fajr, pour que les gens se réveillent, pour faire le suhoor, pour prier, etc. Et ensuite, le adhan de Ibn Ummi Maktoum, ça, c'est le adhan au moment du Fajr. Et ensuite, il a dit, il n'y avait donc entre les deux, donc ça, c'est un narrateur qui rapporte cette parole, il n'y avait entre les deux que le temps que celui-ci descende et que l'autre monte. Donc que celui-ci descende dans l'endroit où il faisait l'Eden et que l'autre monte. Muttafaqun alayh. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fi hadha al-hadith ayyuha al-ikhwa ar-raddu ala man ahdatha waqt al-imsak. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ إِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. Il y a dans ce hadith, aux chers frères et sœurs, la réplique quant à ceux qui ont innové le temps de l'imsek, qu'on voit dans les calendriers avec les horaires de prière. Pour Ramadan, ils nous mettent l'imsek. D'accord ? Et donc, c'est un temps où, donc, ils veulent dire par là, c'est là qu'il faut arrêter de manger. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi à sa communauté? Il leur a dit: mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez Ibn Ummi Maktoum, jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le adhan. Et donc jusqu'au adhan du Fajr, tu peux manger. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là vont nous montrer qu'ils sont plus précautionneux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils font plus attention à la validité de notre jeûne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui-même. Subhanallah. Wa ayyuha al-ikhwa ta'ammalu fi hadha al-amr al-imsak fihi mashaqqa 'ala an-nas. Regardez, il y a une difficulté dans ce truc al-imsak, dans cette méthode innovée. En sachant que notre législation, elle veut, Allah tabaraka wa ta'ala veut pour nous la facilité, yuridullahu bikum al-yusr. Allah veut pour vous la facilité. Et ce qui est ajib, étonnant, c'est que ces mêmes personnes qui nous disent El Imsek, ce sont les mêmes aussi qui viennent nous voir avec des heures de prière en nous disant: oui, mais c'est pour faciliter les musulmans. Ok. Et donc, il faut faciliter les musulmans. Et donc, vu qu'il faut faciliter les musulmans, on va retarder le Fajr. On va retarder le Fajr pour, donc, retarder pour faciliter aux musulmans. D'accord ? Parce que sinon, c'est trop tôt. Et c'est trop difficile pour les musulmans. Et par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on va avancer le temps du imsek. Subhanallah. Comment rendre difficile ce qui est facile? Comment rendre difficile ce qui est facile? Et donc voici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite l'auteur rahimahullah, il nous dit وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc selon Amr ibn al-As radiallahu anhu, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, et le jeûne des gens du livre est le repas du sahr, donc le repas du suhur, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. أيها الإخوة في هذا الحديث عفوا الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. Il y a dans ce hadith la distinction qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre. وهو أكلة السحر. Et c'est le repas qu'on prend pour le suhur. وذلك أن أهل الكتاب لا يتسحرون ونحن نتسحر. Et cela car les gens du livre ne prennent pas le suhur et nous on le prend. Il est dit que les gens du livre, pour leur jeûne, ils vont donc manger avant le milieu de la nuit, pour que leur jeûne soit correct. Nous pouvons manger donc à la fin de la nuit. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِنَا. Et cela nous montre la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala envers nous, envers cette communauté. وَلِيُعْلَمْ أَنَّ النَّصَارَى قَدْ غَيَّرُوا صِيَامَهُمْ كَثِيرًا. Et il est important de savoir que les chrétiens ont beaucoup changé leur jeûne. فَالصِّيَامُ عِنْدَهُمْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أَبْنَاءِ اللَّهِ شَيْءٌ فِي زَعْمِهِمْ. Et donc premièrement, le jeûne chez les chrétiens, il n'est pas obligatoire. Attention, ce ne sont pas mes dires, ce sont leurs dires à eux. D'ailleurs, hier, j'étais en communication avec un prêtre. Je débattais même avec lui sur ce sujet. Et donc, il m'a confirmé cela. Donc, le fait que, chez les chrétiens, le jeûne n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'obligatoire aux enfants d'Allah. Aux enfants de Dieu, ils disent. Rien n'est obligatoire aux enfants de Dieu. Selon eux, dans leurs prétentions, bien sûr. Kulluhu mustahab. Toute la religion, en fait, elle est recommandée. Tout est recommandé. وكما كنا في دروسنا على النصارى المهم عندهم الايمان بصلب المسيح. Et donc comme on l'a dit dans nos cours précédents concernant la religion chrétienne, le plus important pour eux c'est la foi, le fait de croire au fait que le messie Isa a été crucifié. Ça c'est le plus important pour eux. ومن فعل ذلك كفاه وان كان افجر الناس ولا يعمل خيرا. Et celui qui fait cela, celui qui a cette foi concernant le Messie, celui qui croit en sa crucifixion, eh bien, cela lui suffit, même si celui-ci est le plus pervers des hommes et qu'il n'accomplisse pas de bien. وَمَنْ صَوْمَ قَدْ يَصُومُ بِالْإِمْسَكِ عَمَّا شَاءَ وَقَدْ يُمْسِكُ عَنِ الْهَاتِفِ أَوْ عَنِ التِّلْفَازِ الْمُهِمْ أَنْ تُمْسِكَ عَمَّا تُحِبْ لِتَجُوعَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ. Et donc, chez les chrétiens, celui qui jeûne peut s'abstenir de ce qu'il veut. Celui qui jeûne peut jeûner en s'abstenant de ce qu'il veut, en fait. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le Créateur qui décide, mais ce sont les êtres humains. C'est eux, ils décident de s'abstenir de ce qu'ils veulent. Tu peux t'abstenir du téléphone, tu peux t'abstenir de la télévision, tu peux t'abstenir de ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu t'abstiennes de ce que tu aimes afin que tu aies faim de la parole de Dieu. Allahu Akbar. Subhanallah. Comment ces gens ont modifié et ont changé. Hein? Tu peux changer, tu peux jeûner de ce que tu veux, de ce que tu aimes afin que tu aies faim de la parole d'Allah. Les musulmans, quant à eux, ils jeûnent en respectant les prescriptions, les ordres de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et en plus de cela, eh bien les musulmans ont soif, ils veulent entendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant Ramadan, ils veulent assister au tarawih, méditer sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lire le Coran encore plus. Et donc, Cela ne les le fait de jeûner et de s'abstenir de manger ne les empêche pas de donc ne les empêche pas de prier, donc d'accroître les prières, d'accroître la lecture du Coran. Pourquoi? Parce que alladhina amanu ashaddu hubban lillah. Parce que ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi, aiment Allah beaucoup plus. Ceux qui ont la foi aiment Allah beaucoup plus. Notre amour pour Allah n'est pas comparable à l'amour des chrétiens pour leur Créateur. Notre amour pour Allah, celui qui nous a créés, n'est pas comparable pour l'amour des chrétiens envers Allah tabaraka wa ta'ala. وكلام الله عندهم هو الكتاب المقدس الذي بينا تحريفه. Et sans oublier que quand ils disent avoir faim de la parole d'Allah chez les chrétiens, c'est la Bible. Et ça, nous avons démontré avec les preuves dans nos cours sur les chrétiens, que vous pouvez trouver sur le site, inshallah ta'ala. Donc vous voyez clairement, nous pouvons voir clairement avec les preuves que ce livre a été altéré. La Bible est un livre qui a été altéré. وفي هذا الحديث أصل من أصول الشريعة وهو عدم التشبه بالكفار. الله أكبر. Il y a dans ce hadith un fondement parmi les fondements de notre législation qui est le fait de ne pas ressembler aux incroyants. Subhanallah, même dans le jeûne, alors que le jeûne leur a été prescrit, même dans le jeûne, nous ne ressemblons pas aux incroyants. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum » Celui qui ressemble à une communauté, alors il fait partie d'eux. Celui qui ressemble à une communauté, alors il fait partie d'eux. Le croyant doit faire attention à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Khalifu al-Yahuda wa al-Nasara wa firu al-Liha » Et donc, distinguez-vous des juifs et des chrétiens. Ne faites pas comme les juifs et les chrétiens. Laissez pousser vos barbes et taillez les moustaches. Et taillez les moustaches. Et donc cette barbe, ce n'est pas simplement un élément qui va embellir les hommes. Il est vrai que la barbe embellit l'homme. Mais cette barbe n'est pas seulement, n'est pas simplement un élément qui va embellir l'homme. وإنما هي متعلقة بهذا الأصل من أصول ديننا. Cependant, cette barbe est liée à ce fondement qui fait partie des fondements de notre religion. Le fait que nous allons nous distinguer des autres communautés. وكذلك بالسحور. Et aussi avec le repas du suhur, nous allons nous distinguer des autres communautés. On arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.